On va recommencer. Donc on vous invite à vous remettre en joli cercle. En joli cercle. Où tout le monde voit, où tout le monde entend. On vous invite à revenir vous rasseoir si vous voulez participer à la plénière. Et sinon, allez parler un peu plus loin. Dus het plan is nu om ideeën te verzamelen. Een paar ideeën zullen wijzigen omdat er werkgroepen zijn die het interessanter vinden om niet in de spotlight te staan met hun idee. Dus wij zullen een paar ideeën meegeven waarvan wij weet hebben. Andere ideeën kunnen nog verzameld worden. En dat is, dan kunnen de mensen vertrekken naar de Mars en dan worden er werkgroepen geïnstalleerd en wordt het verder geregeld a priori zonder plenaire vergaderingen die nodig zijn. Dus er worden ideeën verzameld, op basis van die ideeën werkgroepen gemaakt en dan doen die werkgroepen verder wat hun plan is. Donc l'idée maintenant, vu que l'heure de la marche approche et que toute une série vont partir, c'est qu'on va écouter les idées et il y a des groupes de travail qui vont se créer. Et donc on va pas prendre de décision ici, on fait cette idée là, mais en fait c'est les groupes de travail qui lanceront les idées qu'ils amènent. Claire pour tout le monde? Ok. Je ramène au centre déjà l'idée d'un groupe qui m'a demandé de la dire. Donc, pour les gens qui sont intéressés à participer à l'organisation d'une action demain aux alentours de 18h, vous pouvez vous réunir après la plénière là-bas. Donc, c'est organisé par différents collectifs qui sont présents ici. Sans caméra et sans indiscret. Dus er is het voorstel van een groep die morgen om 18:00 s'avonds een actie wilt organiseren. Als mensen zin hebben om zich aan te sluiten bij die actie, kunnen ze daar verzamelen. Graag zonder camera's en mensen die graag dingen aan de politie willen vertellen. En na deze vergadering. Donc un premier groupe de travail déjà. Donc déjà des choses qui continuent. D'autres idées? D'autres groupes de travail, d'autres propositions qui veulent être amenées ici, d'autres visions sur la suite. Bonjour tout le monde, voilà. Je ne suis ni représentant, ni référent, ni porte-parole de Gilets jaunes, ni quoi au caisse. Mais je voulais vous parler d'un truc qui, je pense, est historique, important, très important. Par rapport à une discussion que je viens d'avoir il y a quelques minutes avec Nollet de Écolo, qui m'annonçait ce matin, comme ça, entre passe-moi le sel et le beurre, qu'aujourd'hui la discussion allait se faire par rapport à l'article 7 bis donc, pour la loi climat, mais en réalité demain cette même chambre va discuter de l'opportunité d'ouvrir l'article 39 bis pour y inscrire le référendum d'initiative citoyenne. Je ne sais pas si vous comprenez l'enjeu qu'il y a là, mais j'entendais des discussions là tantôt qui parlaient de comment obtenir la moitié de autant de votants pour pouvoir accéder à une deuxième séance où il faudrait avoir les deux tiers. Avec un référendum d'initiative citoyenne contraignant, on n'aurait plus besoin d'avoir ce type de majorité. On pourrait décider, ici, enfin pas ici, mais en référendum, de notre sort à tous, y compris les lois climat et bien d'autres choses. Bon, la proposition concrète, c'est de rien lâcher, parce que de toute façon, même votre loi pour l'article 7 bis, elle n'est votée que demain. Et ce serait dommage de lâcher un peu la pression aujourd'hui alors que c'est voté que demain. Et propose à un maximum de gens, si vous êtes déterminés à vous battre, de rester et de voilà, continuer à mener le combat qui est plus que parfait parce qu'on voit de belles convergences ici et c'est ce que tout le monde attend. Il faut qu'on arrête de s'attendre chacun dans nos coins et qu'on s'unisse maintenant et qu'on montre qu'on lâchera rien. Voilà. Vertaling naar het Nederlands. Het voorstel is om verder te doen, om hier te blijven, om aanwezig te blijven op het kamp. Oké, donc juste vous dire que à midi, il y a le rassemblement, enfin il y a la manif qui va arriver ici. On appelle aussi tous les gens qui peuvent à nous rejoindre ici. La proposition, c'est qu'à ce moment-là, on puisse aussi donner des perspectives pour la suite. On sait qu'il y a différentes actions, mobilisations qui pourraient s'organiser. Voilà, n'hésitez pas aussi à saisir ce moment-là pour annoncer les prochaines dates. Je pense que s'il y a des groupes de travail qui réunissent maintenant, ayez ça en tête qu'il y aura beaucoup de gens tantôt pour annoncer quelles perspectives pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Du coup, vertaling naar het Nederlands van de aankondiging van daarnet. Op de middag, dus om 12 uur, kunnen mensen hier aankondigingen doen voor vervolgende mobilisaties enzovoort. Dat was het punt. We waren bezig met facilitaties, dus we hadden niet gehoord en we zochten niemand om te vertalen. Roaring. Depuis plus de 20 ans, à Bruxelles, il existe des masses critiques à vélo. Ce vendredi, c'est toujours le dernier jour, le dernier vendredi du mois, ce vendredi, Porte de Namur, à 18h, il y aura une masse critique. Et cette fois-ci, je pense que dans le contexte actuel, on ne va pas seulement la faire à vélo. Et j'invite vraiment autant les motards qui peuvent faire du bruit à assiéger une rue, et en parallèle, les cyclistes, les trottinettes, les skaters, les roller skates, que ça soit suffisamment inclusif. Il y a moyen de faire ça aussi avec des animaux, avec les enfants, de se déguiser et de vraiment essayer de pertiner par l'audio et le visuel. 18h, Porte de Namur, ce vendredi. Negen en Twitter Markt, Namur Porte, 6h, s'avonds, deze vrijdag. En fait, j'aimerais bien à un moment faire glisser le débat sur le problème économique. Parce qu'en fait, on est quand même 7 milliards de consommateurs qui polluons parce qu'on achète des choses aux multinationales. Et donc, oui, les enjeux de température qui sont débattus au niveau européen et au niveau politique, pour moi, c'est un fait, il faut effectivement agir. Mais ça ne solutionnera pas les plastiques dans les océans, ça ne solutionnera pas nos modes de consommation, etc. Et donc, en fait, il y a pour l'instant pas mal de manifestants dans les rues, 70 000, j'espère que ça ne faiblira pas. Et à un moment, ça va être les grandes vacances, à un moment, il y aura les élections, et à un moment, les étudiants seront en examen. Et à un moment, il faut aller un peu plus loin et donner de la structure à ça. Donc on est 7 milliards de consommateurs, ici en Wallonie, on est moins, mais on a un grand pouvoir d'action. Et en fait, ce qui m'intéresserait, quand je dis de faire glisser ça sur le débat économique, il y a un acteur essentiel de la société qu'on ne consulte jamais, ce sont les indépendants. Et en fait, ce sont les petits commerces locaux, et c'est des gens qui proposent justement des alternatives de consommation. Et à un moment, il faut éduquer les gens. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de citer l'État belge en faillite climatique et de mettre ça justement sur le terrain économique et de voir s'il n'y a pas des repreneurs à un moment de ça, des repreneurs privés, et donc de s'adresser aux privés pour lancer ça. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui est intéressé de discuter au niveau économique, ce qu'on peut faire entre consommateurs et proposeurs de solutions, parce que quelque part, les solutions et les moyens d'action viendront des gens qui sont créatifs et inventifs et viendront des indépendants. Donc voilà, ce serait intéressant de discuter ça. Ben, je suis là, je suis orange. Dus voorstel voor iedereen die over het economische systeem en meer bepaald de rol van zelfstandigen en kleine handelszaken als oplossing voor de consumistische klimaatcrisis wil praten, vindt de mevrouw de persoon met de oranje jas straks. Bonjour. Anselme, une proposition concrète, mais je voudrais d'abord faire un petit point de philosophie politique, à savoir que ce qui s'est passé ici sur bien des points a été vraiment historique et on n'a jamais vu une telle convergence de gens des classes populaires, de classes moyennes très intéressées par l'écologie et de gens issus du mouvement des ZAD. Et je crois que ce serait vraiment con de perdre un lieu qui est un des seuls points de convergence entre tous ces milieux. Donc nous, on est quelques-uns à vouloir maintenir cette occupation et on propose pour ceux qui le veulent une AG à 20h ici pour le maintien de l'occupation. Voilà. Et même, il y a quelqu'un qui proposait dès maintenant un groupe de travail sur ça à la grille là-bas, à la grande banderole. Dus er is een werkgroep voor mensen die het kamp willen verder zetten, daar aan de grote banner die aan het hek hangt. Word wakker en dîner vous. Daar gaat de werkgroep door straks, als in nu, om het kamp verder te zetten. Er is een groep die gaat nadenken over of verder werken aan een plan voor een actie morgen die gaat zich verzamelen aan het eind van deze straat. Er is een groep die gaat praten over de voortzetting van het kamp bij de grote banner. Er zijn mensen die het over de massa critica willen hebben. De dame van de massa critica is daar. Werkgroep discussie over economie. De dame met de oranje jas. En dat was het volgens mij. Du coup, les différents groupes de travail, action demain, 6h le soir, là-bas, fin de la rue. Maintenir le camp, et comment est-ce qu'on fait la banderole là-bas? Masse critique, retrouver la personne, je dirais avec les gilets jaunes, mais c'est compliqué, qui vient de prendre la parole pour la masse critique. Économie, rôle des indépendants, retrouver la personne avec la veste orange. Il y en a aussi plusieurs, mais vous voyez qui c'est. Ok, we stoppen hier bij de vergadering. We geven u naar een werkgroep als je wilt. Ga naar de betoging als je wilt. On termine l'assemblée là. Rejoignez un groupe travail si vous le voulez. Allez à la masse, à la manif si vous le voulez. Passez une bonne journée et une belle vie. What do we want? Climate justice! When do we